ces 500 000 logements seront attribués forcément à des étrangers. Fixé, en effet, pour pisser sur l'enfant tricolore, le putain d'étendard du parti des bois. Cette fausse république que je nique sans polémique, fausse politique démocratique au tripro mystique. Ça gêne, cadeau mouillé à la droite extrême. Je la ferme ta gueule. C'est pas les Macs ici, vous. C'est pas vous les Macs, les gars. Donc vous foutez ça dans la tête. Les Macs, c'est nous. Complexe de l'ex-colon déchu. Surtout pas l'État, surtout pas Le Pen qui se démène. Le respect de la patrie, j'ai dû le perdre dans un commissariat. Éteindre le feu avant qu'il ne soit trop tard. Prêt à copuler avec le premier facho qui vient. Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. À la vue de certaines personnes, mon image inspire le dégoût et le mépris. Crari, pays où y'a trop de crari. Moi ce que je sais, c'est que le diable en France, il porte une lentille verte. L'immigré résident en Occident le comprend plus. Mon père est arabe. Ah bon, ah, remarquez, votre père je dis pas, hein. Ah, il y en a des instruits, hein. Et puis vous, on voit bien que vous êtes propre et tout, d'ailleurs. La rage est dans mon âme pour le drame du Front National. J'allume la flamme. Paraît que son mari crise à cause de mes allocations. T'as vu que sa fille Marine a la tête d'Adolphe à l'occasion. On cultive du vent de l'inégalité. Mépris, discrimination à l'embauche reviennent dans tous les discours. Ouais, trouver un emploi, disent-ils, relève de l'exploit malgré leurs efforts. Et quand on y va pas avec les casquettes, hein. On y va bien. On y va bien habillés. Ils englomaient l'histoire. Le feu a déclaré qu'il fallait nettoyer au Karcher la cité des 4000. Déclaration fracassante.